Deuxième heure, le Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, OUIFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à Canrock CDN comme canadien. Donc Canrock CDN au commercial gmail.com. Allons-y, oui, avec la deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario, avec une belle reprise très surprenante d'un grand classique de Charlebois, Je t'aime comme un fou. De façon un peu country, vous allez voir, mais ça fonctionne très bien. C'est Christine Saint-Pierre qui nous propose ça. On va entendre également On ne se connaît pas, le deuxième album de Geneviève et Alain est en mixage. Le mixage est même terminé, donc on devrait avoir ça très, très bientôt. Et cette semaine, belle surprise, premier extrait du nouvel album de Andy Saint-Louis. Ça s'appelle tout simplement Derrière la photo, et c'est vraiment une très bonne chanson, vous allez voir, très entraînante. Mais pour l'instant, voici belle surprise, « Je t'aime comme un fou » de Charlebois en country. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Aperçu pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon swing. Je fais du bodybuilding, du tennis, du jogging. M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou. Je me sens comme un champion qui court le marathon. À chaque fois que tu me dis non, je redouble d'ambition. Depuis que je t'ai rencontré, il y a une séance d'aérobie. Toute ma vie a changé, maintenant je me réveille. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou. chaque fois de grands soleils dans le ciel, étincelles en feu de joie. On ne se connaît pas, mais dès que je te vois, tout me ramène au début du monde. Alors, même la mort n'existe pas. Et je me rapproche un peu, l'amour est curieux. Il voudrait voir au fond de tes yeux. Et la vie passera. Un peu trop vite, mais jamais trop belle pour moi. Si je sais que tu es là. Et je me rapproche un peu. auteur, compositrice, interprète de la région de Bois-Franc, si je ne me trompe pas, et elle me demeure maintenant à Montréal. Elle vient de lancer un deuxième album qui s'appelle « Chronique d'un petit bout de femme ». Et oui, un petit bout de femme fort remarquable, très gentille, très jolie, très joviale. Elle parle à tout le monde, elle écrit ses textes, ses musiques. Je parle bien sûr de Andy Saint-Louis, un nom à retenir, Andy Saint-Louis. Deuxième album, « Chronique d'un petit bout de femme ». Et la pièce qu'on vient d'entendre, c'est « Derrière ta photo ». Excellente chanson. On aime bien ça ici. Et je l'avais découvert il y a quelques années. Ben, quelques années, 5-6 ans peut-être. Elle avait sorti quelques chansons sur Facebook et YouTube, entre autres. Et je trouvais ça intéressant. Elle s'adonne dans ce qu'on appelle la musique là, qu'on appelle la « pop cabaret ». Elle est claviériste, flûtiste, chanteur, auteur, compositrice, interprète. Une jeune femme bourrée de talent. Très, très le fun à rencontrer, à jaser avec. Donc, Andy Saint-Louis, retenez ce nom. Et ça va tourner avec grand plaisir à Canrock. Ça nous amène comme ça à notre bloc de musique instrumentale qui va débuter avec l'un autre que Sean Ferguson. Cet Acadien, je ne me trompe pas, de la péninsule, mais qui demeure maintenant à Moncton, M. Sean Ferguson, qui était tout récemment du côté de Saint-Antoine-l'Abbé. Ça, c'était en France, je ne pourrais pas vous dire où exactement, mais il était en concert, il a été très bien accueilli. Il est venu à Penetanguishene il y a quelques mois, un virtuose de la guitare, un gars super sympathique, très talentueux, vraiment là, très très beau spectacle qu'on a eu. Donc ça va très bien pour lui du côté de l'Europe, il est de retour là, à peine depuis quelques jours, mais quand même, on est bien fiers de lui et ça nous fait plaisir de l'encourager. On va entendre une chanson tirée quand même de son premier album, Ascension, et puis c'est vraiment une très bonne pièce. Vous allez voir, ça donne vraiment le style là, du guitariste. C'est la pièce, c'est à l'intérieur d'une nanoseconde. Super belle longue pièce que j'aime bien. Donc, Sean Ferguson, bravo pour tous ces spectacles-là, bien réussis du côté de la France. Et j'ai bien hâte de le revoir en spectacle parce que c'est vraiment génial. On va terminer aussi, parce qu'on a le temps de deux chansons. Donc, on va terminer avec Étienne Beausoleil de la région de Penetanguishene. Étienne Beausoleil qui a gradué tout récemment, là, il y a peut-être 6 mois. Il a gradué de McGill en interprétation jazz. Et lorsque tu gradues, ben, tu dois faire un spectacle, mais tu dois faire aussi un album, écrire un album que tu joues avec d'autres musiciens. Et on a reçu une copie de cet album-là. Et vu qu'on encourage les artistes locaux ici à Canrock, eh bien, on va entendre la pièce « Influence », belle longue pièce, très jazz. Étienne Beausoleil, c'est un joueur de contrebasse. Très content de jouer sa musique parce que c'est vraiment bon. Pour l'instant, on y va avec Sean Ferguson à l'intérieur d'une nanoseconde. Thank you. Thank you.